Africain 3. Thank you. shot, kid. I think you got him. We'll be right back. samedi 25 et dimanche 26 avril à la salle de Decker de Croix. La Luduslan vous invite à venir vous affronter dans des tournois de jeux vidéo comme Counter-Strike, Trackmania ou encore Pro Evolution Soccer. Renseignements et inscriptions sans plus attendre, www.ludus-lan.com. Le Rétro Club et moi présente sa 5e balade expo de véhicules anciens ce dimanche 26 avril. Ouverture des portes dès 9h du parking de l'hôtel de ville de la ville d'Em. Entrée libre, renseignements 06 45 64 86 01. L'exposition événement Sculpture de sable 2009, le Touquet Royal, vous accueille chaque jour jusqu'au 30 août de 10 à 18h au Touquet Paris Plage. Découvrez-y la France et l'histoire secrète de ses rois. Une étonnante galerie de portraits, au destin parfois drôle, souvent tourmenté, mais toujours exceptionnel. Info web, sculpturedesable.com. Le festival Les Paradis Artificiels se poursuit jusqu'au 27 avril sur la métropole illoise. Un tour d'horizon des tendances musicales actuelles, au travers de 3 soirées, plus une journée tous voisins. Programmation complète, 0320 95 08 82. Retrouvez toutes ces infos, et bien d'autres encore, sur galaxyfm.com. Galaxy 95 sur Galaxy. Merci.